est trop. Je prône une solution plus radicale qu'un discours de bistrot dirigé par des escrocs. Il est temps de montrer les crocs. Bloquer ce système n'offrant que misère à mes brothers. Trop longtemps que j'entends tout le monde râler dans son coin. Trop longtemps que je rêve d'entrer une arme dans la main. On a trop longtemps discuté, il est temps de pouvoir disputer le match de notre vie. Car je vois que toute la France est dégoûtée. Acte 1, je rêve de voir tout le monde dans les rues. Je veux une colère sans trêve, plus de sang que dans une simple grève. Du CRS mort, je veux qu'ils payent le prix fort. Je veux voir des guillotines et des têtes sans leur corps. Il faut prendre l'Elysée comme ils l'ont fait pour la Bastille. Je veux des émeutes, de la violence, qu'on soit fort et qu'ils vacillent. Sarko cite Jésus, moi je citerai mes dieux qui chantaient. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? La ligne franchie, cette voix, c'en est trop. J'emmerde la France d'en haut, celle qui se lève tôt. Vous sous-estimez le peuple, le mépriser de trop. C'est l'heure de la guerre, et pour vous, on est trop. La ligne franchie, et cette voix, c'en est trop. Je m'adresse à vous nantis, cette voix, c'en est trop. Vous sous-estimez le peuple, le mépriser de trop. C'est l'heure de la guerre, et pour vous, on est trop. Tu trouves ça normal de voir au petit matin des dizaines de tentes sur le canal Saint-Martin? Douce France, terre d'accueil, mon œil maltraitance au nom d'un papier. La dignité est en deuil. La vérité, tu la sais, c'est juste une histoire de tue. Nous sommes juste de petits pions venus pour faire leur fortune. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, c'est uni et vénère qu'ensemble nous vaincrons. Ils diront que mes propos incitent à la violence. Et bah ouais, je l'assume, je veux que se consume cette transe. Tous ces mecs en costume me donnent envie d'être meurtrier. Je sens l'odeur de soufre de ces milices grillées. Si j'avoue avoir peur pour le futur de mes enfants, il faudra passer par là pour préserver les suivants. Je lance un appel au peuple comme celui du 18 juin pour un avenir moins sombre. Il faudra ne faire qu'un. Allez-y, brûlez tout, surtout les commissariats. N'oublie pas, les mairies sont infestées par les rats. Il faut savoir tout détruire pour pouvoir reconstruire. Ils craignent déjà notre empire et le pire est à venir. Car s'ils contrôlent l'argent, nous sommes trop nombreux et nous n'avons rien à perdre, contrairement à ces messieurs. Je réclame le chaos et la révolution afin que leur sang impur aveugle au sillon. La ligne franchie, cette voix, c'en est trop. J'emmerde la France d'en haut, celle qui se lève tôt. Vous sous-estimez le peuple, le mépriser de trop. C'est l'heure de la guerre, et pour vous, on est trop. La ligne franchie, et cette voix, c'en est trop. Je m'adresse à vous nantis, cette voix, c'en est trop. Vous sous-estimez le peuple, le mépriser de trop. C'est l'heure de la guerre, et pour vous, on est trop.